Les pros du boulot sur Fadjet. Bonjour, bienvenue sur Radio Fadjet, c'est les pros du boulot. Thomas et Zora vous parlent de l'évolution professionnelle. Aujourd'hui, notre sujet est la validation des acquis de l'expérience. On va tout vous expliquer, ce que c'est, comment ça se passe, ce que ça coûte, et nous accueillons Aline Wagner, chargée de mission évolution professionnelle au pôle animation de l'orientation à la région Grand Est, qui va nous donner plus de détails sur la validation des acquis de l'expérience. Tout d'abord, la VAE, c'est quoi ? C'est un procédé pour lequel toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut, son niveau de formation, et qui justifie d'au moins un an d'expérience professionnelle, en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à obtenir une certification. Cette certification peut être un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle. En tous les cas, il faut que ce soit inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Thomas, quelques chiffres clés ? Oui, effectivement, en moyenne, on a à peu près 20 000 validations réussies par an en France. Cela représente à peu près 2 à 3 % de diplômes délivrés. 60 à 70 %, ça c'est la proportion de démarches de validation débouchant sur une validation complète. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 10 000 certifications et diplômes qui sont accessibles par la VAE. Du niveau CAP au diplôme d'école d'ingénieur, voire des doctorats. Donc effectivement, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc à quoi sert la VAE ? La VAE peut vous aider à obtenir une certification, un diplôme ou un titre professionnel, mettre en cohérence votre certification avec votre niveau de responsabilité. Par exemple, vous avez un diplôme dans votre fonction, mais vous avez acquis de nouvelles compétences dans votre entreprise, et donc vous souhaitez les faire valider pour augmenter votre niveau de certification. Validez votre expérience pour vous, parce que vous voulez mettre en valeur les activités professionnelles que vous avez eues, faire reconnaître vos compétences, obtenir un niveau de qualification permettant d'accéder à une formation ou à un niveau supérieur. Donc là, on parlera aussi enfin d'émission de la VAP, validation des acquis professionnels, changer d'emploi, évoluer professionnellement, obtenir une promotion professionnelle, ou simplement, mais sûrement, développer sa confiance en soi. Donc les expériences prises en compte, ce sont les expériences professionnelles, extra-professionnelles, bénévoles et syndicales, c'est très important. Et depuis 2014, les expériences de stage, d'alternance, tant que c'est dans le cadre d'une formation, donc l'apprentissage, le contrat de professionnalisation, et les expériences d'indépendants, mais il faut justifier cette activité. Alors pour illustrer peut-être deux exemples très concrets, deux personnes que nous avons accompagnées dans le cadre du conseil en évolution professionnelle récemment, la première personne, appelons-la Alexandre, qui est venue nous voir, qui du coup a un bac pro de mécanicien poids lourd. Il a 2 ans d'expérience dans un garage sur les véhicules légers, mais il a découvert sa passion et c'était la carrosserie. Donc il souhaitait obtenir aussi un diplôme dans la carrosserie, il était prêt à partir en formation. Finalement, grâce au conseil, il a découvert la VAE, il a pu obtenir un financement de la part de Transition Pro, il a monté un dossier et il a rédigé son livret 2 pour obtenir son diplôme de carrossier, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faisait déjà dans son travail. Un deuxième exemple, une personne, appelons-la Coralie, qui est venue nous voir, Coralie qui travaille comme ASH dans un EHPAD, mais qui, au cours des années, a évolué vers le travail d'aide-soignante. Du coup, elle fait fonction d'aide-soignante. Et pareil, elle n'est pas obligée de refaire le diplôme, mais grâce à un financement spécifique qu'elle a obtenu de son employeur et de son OPCO, elle a pu partir sur un parcours VAE et valider son diplôme d'aide-soignante après avoir passé devant le jury. Donc, en quoi la VAE est intéressante ? On le fait sur son temps libre, on s'organise comme on veut. Il n'y a pas d'échéance, hein. Il y a des dates de jury, mais elles ne sont pas contraignantes puisqu'il y en a régulièrement. Mais ça peut devenir lassant. Il faut se discipliner, ne pas dépasser un an. Hein. Et Aline nous expliquera un petit peu les durées de la VAE. Il faut quand même trouver un rythme pour réaliser. Et puis, il y a des mises en situation pour les titres professionnels, idéales quand on n'est pas à l'aise à l'écrit. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la validation des acquis professionnels. Alors ça, c'est vraiment spécifique. C'est pour rentrer en formation quand on n'a pas un diplôme qui correspond à l'année précédente. Par exemple, on veut rentrer en master, on n'a pas de licence. Eh bien, on peut faire valider les acquis professionnels à l'université qui peut nous recevoir. Donc, les pros du boulot, on se retrouve après une pause musicale. C'est Ben Mazué, Quand je marche. Faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors, il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence? Pourquoi on souhaite être excellent? Quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent. Souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon. J'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Je vais me relever. Avancer, se rassembler, s'enflancher, enjamber le chantier des pensées. Semblait emmêlé, je m'y collais sans délai. Mes soucis prenez-les et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche, parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche, parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche, parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche. Les pros du boulot sur Fadjet. On est de retour avec les pros du boulot. Aujourd'hui, notre thème, c'est la validation des acquis de l'expérience. Donc, on va écouter Aline Wagner, chargée de mission évolution professionnelle au pôle animation de l'orientation à la région Grand Est, qui va tout nous expliquer sur les déroulements de la validation des acquis de l'expérience. Bonjour Aline, merci d'être avec nous. Alors, pourriez-vous nous expliquer c'est quoi la VAE au juste ? Alors, la VAE, c'est un dispositif donc de l'évolution professionnelle et de la sécurisation des parcours. Et il permet à toute personne d'obtenir une certification du moment qu'elle a 1 an d'expérience, soit 1607 heures. Et il faut que le diplôme il soit en adéquation avec l'expérience. Et donc, c'est vraiment une voie différente pour obtenir un diplôme que d'aller en formation, que ce soit une formation initiale, une formation continue. Et puis, le diplôme obtenu, il a la même valeur que si il avait été obtenu justement en allant en formation. Alors j'ai une idée, je souhaite savoir plus, avoir plus d'informations sur la VAE, alors vers qui je peux me tourner ? Si on veut mettre en place une VAE, il faut rencontrer et se renseigner auprès d'acteurs du service public régional de l'orientation. Alors il s'agit de différentes structures qui sont par exemple les chambres consulaires, de Pôle emploi, il s'agit d'APEC, des missions locales. Toutes ces personnes sont habilitées à donner de l'information sur la VAE et elles vont orienter la personne qui souhaite mettre en place une VAE vers un interlocuteur qui va le conseiller, choisir le diplôme en adéquation avec l'expérience professionnelle. Et ça, c'est un travail assez conséquent. Et donc, il y a des conseillers qui sont faits pour ça. Pareil, pour les demandeurs d'emploi, il y a le conseil régional Grand Est qui finance le conseil et l'accompagnement VAE. Pourriez-vous nous présenter un peu les étapes de la VAE ? Une fois que tout ça s'est fait, ils dirigent la personne vers le certificateur adéquat. Et elle aura un premier livret, un livret 1 ou livret de recevabilité à compléter. Et ce livret 1, il est vraiment purement administratif. Alors la personne va décrire son parcours comme dans un CV, ainsi qu'elle aura aussi joint des justificatifs. Alors les justificatifs, c'est contrat de travail, attestation de travail, attestation de stage, etc. Et le certificateur, il va vérifier si elle peut prétendre au diplôme pour lequel elle se présente. Et il va donner une recevabilité. Une recevabilité, ça veut dire que la personne, elle a le feu vert pour continuer sur la certification qu'elle a choisie. Alors, j'ai identifié le bon diplôme, le bon organisme certificateur, j'ai mon livret 1, ma recevabilité, qu'est-ce qui se passe après ? À ce moment-là, elle a un livret 2 à remplir, ou livret de candidature. Il s'agit de décrire son activité professionnelle au travers du référentiel du diplôme. Et en général, on indique aux personnes qu'il faut mieux être accompagné. Parce que l'accompagnateur, il va aider donc la personne à mettre en mots son expérience, il va l'aider à choisir les situations professionnelles pour illustrer justement le référentiel. Il va expliquer aussi le référentiel, mais aussi il va aider la personne à se préparer au jury. Parce qu'à l'issue du livret 2, le certificateur, il va réunir un jury qui va être constitué de professionnels et de formateurs. Alors ce jury, ça ressemble à quoi ? C'est un examen ? C'est pas le jury, c'est pas un oral d'examen hein, du tout. C'est plus aider et vérifier que la personne elle a bien l'expérience en adéquation avec le diplôme pour lequel elle s'est présentée tout simplement. Et donc le jury il pose des questions, etc. Et en fonction de tout ce qui aura été dit à l'oral et en fonction du contenu du livret 2, le jury va donner une réponse au candidat. La personne elle aura un courrier qui va lui notifier donc si elle a une validation totale, c'est-à-dire que dans ce cas-là, elle a le diplôme intégralement. Et elle peut par contre avoir une validation partielle. C'est pas un frein du tout, puisqu'en fait, elle pourra choisir de refaire un livret 2 avec les éléments qui manquent. Elle va essayer d'avoir des expériences supplémentaires pour justifier ce qui manque dans ce premier livret 2. Ou elle peut aller en formation modulaire pour compléter ce qui n'a pas été acquis dans le cadre VAE partiel. Alors une question qui va probablement intéresser nos auditeurs, c'est est-ce qu'on peut parler d'une durée moyenne d'une VAE ? En moyenne, pour une VAE, je dirais sur un niveau bac ou infra-bac, on est entre 40 et 50 heures personnelles. Et puis par rapport à l'organisation sur les différentes étapes, on peut compter entre 6 mois et 1 an. Merci. Et comment on peut financer la VAE ? Parce que j'imagine que ça coûte quelque chose. La VAE, elle a un coût, mais il y a différentes possibilités de prise en charge selon le statut de la personne. Quand on est demandeur d'emploi, le conseil VAE, il est pris en charge dans le cadre de la région. L'accompagnement aussi. Par contre, pour les salariés, aujourd'hui, ça peut être financé par Transition Pro et puis les OPCO. Si on travaille dans un EHPAD, l'entreprise peut financer dans le cadre du plan de développement des compétences aussi. Donc en fait, en général, on trouve toujours une solution de prise en charge du financement de la VAE. Alors vous travaillez au niveau régional, est-ce que vous pouvez nous donner une vue générale un peu qui sont les personnes qui mobilisent la VAE et pour quel diplôme ? Les personnes qui vont sur une VAE sont souvent des femmes, entre 35 et 45 ans. Et les diplômes qui sont visés, le top 10, on voit les services à la personne, le médico-social, la gestion comptabilité et le commerce. Et on est plus sur des niveaux BEP ou BAC éventuellement Bac plus 2. On peut aussi obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur par le biais de la VAE. Merci. Et peut-être la dernière question, quels sont les points importants pour vous? Que conseillerez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la VAE? Les points importants, c'est de se dire que déjà, il faut être motivé. Il faut se dire qu'il faut consacrer du temps. Et en même temps, il faut, je pense, avoir choisi le bon diplôme et avoir vraiment un projet derrière. Parce qu'une VAE, pour faire une VAE, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, je dirais aussi, un atout, un avantage, c'est vraiment d'être accompagné tout au long de son parcours. Parce que l'accompagnateur, il est aussi là pour motiver la personne. Puis, c'est un soutien important dans la démarche. Merci Aline pour ces précieux conseils. Et comme vous l'avez très justement dit, il faut être accompagné, c'est mieux pour garder la dynamisation, la motivation. Donc, le conseil en évolution professionnelle vous aidera à choisir votre diplôme et à trouver un accompagnateur si vous êtes salarié. Et si vous êtes demandeur d'emploi, comme l'a dit Aline, c'est gratuit. Vous demandez à votre conseiller Pôle emploi et il vous indiquera la structure qui est à même de vous renseigner. En tout cas, n'hésitez pas, ça permettra de réduire les parcours de formation aussi parfois. Donc les pros du boulot avec Thomas et Zora, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve tous les lundis à 12h30 et la prochaine émission, c'est sur le compte personnel formation. On a hâte de vous retrouver. Bonne journée.